Au début c'était toi que je voulais, t'avais hanté ma tête. Pas là pour apaiser tes peines, j'esquivais tes ta tête et parfois tes appels. T'as tout fait pour me faire changer. C'est chagrin qui t'a noyé. Ne verse pas de larmes, j'suis désolé pour ça. Il n'est jamais tard pour qu'on reparle de ça. Faut laisser ça, eh. Beaucoup d'amour négligé. Oui, j'l'ai fatigué. Sans dire pardon, cœur est bousillé. Vais-je le réparer? Dis-moi d'arrêter, mais j'le referai encore. Moi, c'est l'erreur, c'est de faire passer mes potes d'abord. Qu'on soit bien d'accord. Viens, on skiffe d'abord. On s'en fout des disques d'or. C'est mon bar, c'est ma go, j'ai la bine, c'est pas que c'est ma Beyoncé. À deux, on va tout plier. Les autres, elles sont fatiguées. C'est mon bar, c'est ma go, j'ai la bine, c'est pas que c'est ma Beyoncé. À deux, on va tout plier. Les autres, elles sont fatiguées. Un soir en tête à tête, je te dirai dans les yeux, chérie, les bites. On va pas pour moi. C'était ma, ouais chérie, les pipes. Un soir en tête à tête, je te dirai dans les yeux, chérie, les pipes. On va pas pour moi, tu sais t'es ma, ouais chérie, les pipes. On les connaît, les petits jaloux seront là pour mettre des bâtons dans les roues. Mais l'important, c'est de penser à nous et le reste, on s'en fout tant que ça tient à la foule. Tient à la foule. Et je t'avais dit de rester comme tu voyais le mal partout. Chaque fois des histoires à me casser les. L'humain est mauvais, oui c'est vrai, mais y'a pas qu'à fou, pas qu'à fou. Beaucoup d'amour négligé, oui je l'ai fatigué. Sans dire pardon, cœur est bousillé. Vais-je le réparer? Dis-moi d'arrêter, mais je le referai encore. Moi c'est l'erreur, c'est de faire passer mes potes d'abord. Qu'on soit bien d'accord, viens on skiffe d'abord. On s'en fout des disques d'or. C'est mon bar, c'est ma go, j'ai la bine, c'est pas que c'est ma Beyoncé. À deux, on va tout plier. Les autres, elles sont fatiguées. C'est mon bar, c'est ma go, j'ai la bine, c'est pas que c'est ma Beyoncé. À deux, on va tout plier. Les autres, elles sont fatiguées. Un soir en tête à tête, je te dirai dans les yeux, chérie, les pipes. On va pas pour moi, tu sais t'es ma, ouais, chérie, les pipes. Un soir en tête à tête, je te dirai dans les yeux, chérie, les pipes. On va pas pour moi, tu sais t'es ma, ouais, chérie, les pipes. On va pas pour moi.